On a une info qui tombe, comme tu dis, dans lequel il a du vagala, mais il souhaite partir. Faut le comprendre. Et les Knicks, pour l'instant, c'est vrai que personne n'en parle trop parce que pour l'instant, les Knicks sont sur la re-signature d'OG, qui tarde un peu. Et puis, boum, ce trade tombe. Avant la prolongation d'OG, Avant en la plus. prolongation, même pas une semaine avant, hein, je crois que c'est Moi, je pensais quelques que ça jours avant. était plutôt annonciateur d'un départ d'OG. Finalement, non, on a pu. OG, qu'on a payé aussi à un prix fort. De Ouais. toute façon, les Knicks ont une ambition, ont retrouvé une crédibilité. Et il y a toujours cette taxe Knicks qui fait qu'on doit, entre guillemets, surpayer des joueurs quand c'est peut-être des contrats. Il y a les fameux impôts, taxation à New York. Le coût de la vie à New York est plus cher que dans des small markets. Donc les joueurs ont envie d'y venir, mais aussi d'avoir le bon petit pactole. Et puis en termes de trade, on l'avait vu lorsqu'il y avait des négociations qui avaient avorté avec l'affaire Donovan Mitchell et Utah Danny Ainge. Eh bien, il y avait toujours une course un peu à la surenchère parce que vous êtes les Knicks. Voilà, on va vous faire raquer. Là, en termes de tour de draft, oui, Léon avait la capacité d'aligner des futurs tours de draft. Des futurs de draft, je crois que tu l'as dit sur les réseaux sociaux. On en a payé beaucoup pour Mical. Peut-être qu'on en récupérera à droite à gauche dans d'autres moves. Voilà, ça va, ça vient les pics de draft. Et regarde, je vais te Il donner les. faut, Je vais te faut donner. raison garder sur l'appréciation qu'on a Je sur ces pics de draft, Léon. vais te donner les stats de deux joueurs. Oui. D'accord? Et tu vas me demander qui est. Ouais. Vas-y, ouais. Alors, il y aura le joueur A et le joueur B. Ok? Je te dis pas. Parmi un, évidemment, on parle de Mikal Bridges, il y a Mikal Bridges. Donc, le joueur A, ok? Je tiens à préciser que je n'ai pas regardé ses stats personnels avant l'enregistrement de cette émission. Le joueur A, donc 16,3 points, 3,8 rebonds, 3,2 passes, 46% au shoot, 33% à 3 points, 61% au lancer franc. Ok, ça c'est joueur A. Et Pas beaucoup, lancé franc. joueur B, 17,4 points, 5,2 rebonds, 2,2 passes, 48,3% au shoot, 36,8% à 3 points et 83% au lancer franc. Qui est qui? C'est ça? Joueur A, c'était le premier, joueur B, c'est le second. Qui est Mikal, Mikal? ouais, qui est Mikal Bridges? Joueur A ou Mikal, joueur B? j'aurais dit joueur A, il tire pas beaucoup de lancers francs. On le voit pas beaucoup sur la ligne des lancers francs. Ça veut dire qu'il n'est pas assez agressif, qu'il provoque pas assez. Mais là, on parle bien sûr des secteurs offensifs. Et Donc, donc le t'as joueur B, raison. ça serait qui? Ça serait OG? Et bien, le joueur B, c'est OG. Et quand tu regardes finalement les stats, tu vois C'est faire. assez proche. Au delta près des lancers francs, Ouais. où voilà, Mikal, c'est trop peu au lancer franc là. Et t'en as un, tu parles de lui comme d'un potentiel All-Star, et l'autre, tu parles de lui comme d'un potentiel bust. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ben, en fait, t'as le prix du trade. Niveau d'attente. Niveau Voilà, d'attente. Ouais. exactement. Mais en même temps, aujourd'hui, Mikal, il coûte pas 40 millions de dollars la saison. Donc Encore. c'est une appréciation en fait Encore. qui a, comme tu l'exercice est très intéressant. Et je me suis pas trompé sur les réponses, donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Mais très intéressant parce que effectivement, le prix influence beaucoup la perception qu'on a des joueurs. Après, en Mikal Bridges, ce qui a été pris aussi, c'est sa polyvalence, son endurance. On sait qu'il joue beaucoup de temps de jeu et qu'il joue beaucoup de matchs, voire tous. Donc en ça, c'est aussi un investissement qui est important. Aller trade pour un KD, ok, certes, sur le papier, parce que 5 tours de draft. Entre guillemets, c'est possible, mais KD, c'est quelqu'un aussi qui fait des saisons plus courtes, qui est plus souvent sujet à des blessures, qui est plus ancien, vieux qu'un Mikal Bridges. Donc voilà, il y a un choix qui a été fait, et aujourd'hui, il faut Après, peut-être faire abstraction du prix et regarder vraiment la performance réelle des joueurs. je Et pense en que soi, elle est assez proche de celle d'OG, d'une certaine façon, malgré l'irrégularité Mais je qu'on me semble demande quand même si noter. les gens ne sont pas plus déçus par son apport défensif. C'est-à-dire que souvent, les cartons qu'on a eus de joueurs qui ont joué contre les Knicks l'ont fait face à Mikal Bridges. Et je me demande quand même si c'est. Lui, il est arrivé avec cette grosse étiquette de free andy. OG Anunoby, quand il arrive du trade de RG et IQ, C'est plus un D qu'un 3, quoi. on l'a vu Ouais. tout de suite, l'apport de OG, tu te rappelles? Mais Là qu'on c'était l'a. à une autre époque de la saison, Oui, une mais. intégration d'un seul joueur. Là que tu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ben, tu sais, c'est comme tout. Il y a toujours des comparaisons. C'est comme quand tu as des enfants. Tu vois, tu en as deux. Tu compares toujours le plus petit à l'aîné et à sa courbe de progression. Ah, il est en retard par rapport au grand. Hein, il est en avance par rapport au grand. Tu vois. Il y a toujours des comparaisons. Ça, c'est, tu Et peux d'ailleurs, pas aller tiens, contre ça. lequel des deux est plus âgé? C'est OG ou c'est Mikal? Eh bien, ça, je peux te le dire tout de suite même. Oui, parce que t'as les infos sous les yeux et pas moi. OG Anunobi a 27 ans. Mikal Bridges a 28 ans. Oh! Ils ont quasiment presque. J'aurais dit l'inverse. J'aurais dit l'inverse, Ouais, mais non, ok. c'est Mikal. Mikal Bridges est né le 17. OG Anunobi est né le 17 juillet 97 à London. Donc, il a 27 ans et 138 jours. Et Mikal Bridges est né le 30 août 1996 à Philadelphie. Donc, il a 28 ans et 94 jours. Voilà. Voilà, Ils ont maintenant vous presque savez tout pour un an d'écart. Presque. l'état civil. Ouais. Et en même temps, donc oui, tu le dis, l'année dernière, on a vu une arrivée de OG Anunobi qui avait tout de suite été bénéfique, qui s'est transformé directement en un rapport. Les Knicks ne perdent plus dès lors que OG Anunobi joue avec eux. Et c'était un autre moment de la saison. On était déjà à la fin du mois de décembre, l'équipe était déjà dans une dynamique Ouais, mais t'envoies installée. RG, ouais, mais t'envoies RG et t'envoies IQ, hein. Oui, T'envoies bien deux mecs sûr. qui sont importants de la Ouais. rotation. T'envoies Important de la rotation ton et numéro 2 et ton sixième homme qui dans a le trade. déshabillé le banc, mais parce qu'il fallait bien payer ce qu'il fallait payer Oui, pour non, mais ce avoir que je veux dire par là, c'est OG. que tu vois, dans le. Là aussi, t'avais quand même chamboulé ton effectif pour un Mais mec. disons qu'on avait fait peut-être un compromis d'aller avoir plus de défense avec OG au détriment de l'attaque de RG et de IQ, qu'il a fallu derrière redispatcher sur du Dante, sur du Julius, sur d'autres joueurs. OG qui avait ce profil, j'arrive pour apporter de la défense, pour renforcer la défense, et ça s'est vu. Et en plus, on a découvert sa capacité à pouvoir scorer dans différentes situations. Là où sur Mikal, depuis ses dernières saisons aux Nets, et pourquoi pas la fin aux Suns, il avait plutôt un profil qui allait vers de l'attaque et relâcher la défense. Et là, aujourd'hui, on attendrait plus de la défense de sa part. Ses stats offensives sont comparables à celles de OG. Donc tout à l'heure, on a dit, est-ce que OG, on l'envoie All-Star? Ça va peut-être être compliqué. Est-ce que Mikal, on l'envoie All-Star? Ça va être encore plus compliqué. Qui est dans la hiérarchie offensive, qui est le numéro 1, numéro 2, mais surtout le numéro 3, c'est plus OG. On aurait plus Oui. pensé que ça aurait été Mikal. Mais voilà, on a une appréciation de Mikal qui est des fois basée sur de l'offensif, alors qu'en fait, on pointe du doigt son manque d'impact défensif. C'est voilà, c'est un peu compliqué, c'est complexe la situation de Mikal. Et puis certains aussi vont dire, ouais, le body language n'est pas bon. Monsieur Mikal, il va faire des célébrations à 3 points, alors qu'en fait, les pourcentages sont dégueulasses dans la soirée. Eh oui, mais ça, c'est nos amis américains, ils ont tendance à célébrer, à tout de suite rentrer dans la démonstration, alors qu'en fait, voilà, il y a quelques secondes, quelques actions avant, c'était plutôt catastrophique en termes de réalisation, en termes d'efficacité. Donc, Mikal, on va pas descendre du train Mikal Bridges tout de suite, d'autant plus qu'il nous sort un bon match pour finir Non, la semaine. Faut lui laisser du il temps. faut attendre, il Il y en a faut attendre déjà. la fin de saison. Pour ce genre de mec, c'est un mec qui est suffisamment talentueux. Il est bien entouré. Je veux dire, Je pense qu'il a un bon QI, une bonne tête. Enfin, il va pas faire de vagues dans cette équipe, non. quoi. Et puis il sait très bien. Il sait. Je pense que déjà d'une, son apport offensif, ça l'a un peu chagriné. Le fait de voir aucun tir rentrer. Mine de rien, dans les médias, forcément, ça revient aux oreilles, puisque Josh Hart le dit, il dit, ouais, ce qu'on entend des fans et des médias, machin. Après, voilà, quand j'entends, oui, bah, heureusement que Josh Hart, il défend son pote, et tout, mais c'est normal, il n'y a pas à dire, oui, bon, Il est nul en ce c'est moment. vrai que Franchement, on le. l'a trop payé. Ouais, c'est vrai, ouais, je pense que peut-être le trade est foiré, on l'a beaucoup trop payé, puis. Non, puis il Ah, va ça, il va pas. pas le dire. Ouais. C'est son poteau d'université, c'est son poteau, voilà, il forme un quatuor avec Dante DiVincenzo, très très proche, évidemment qui va défendre son ami dans les médias, donc sa sortie ne m'a pas étonné. Après, maintenant, voilà, Mikal Bridges, il va falloir il a beaucoup de choses dans lesquelles il faut qu'il se fasse, dans ce rôle aux Knicks, avec son alchimie avec ses nouveaux coéquipiers, dans cette nouvelle équipe, un nouveau coach, enfin, il y a tout de nouveau, donc En termes d'alchimie, pourtant, il y a une on voit une belle adaptation à faire. connexion, toujours avec les Nova Boys, tout ça. Ça marche plutôt bien. Voilà, c'est un joueur qui est servi. C'est juste qu'il manque Avec d'efficacité Josh Hart, je trouve que offensivement. ça marche plutôt pas mal. Ouais, mais en fait, tout le monde marche bien avec Josh Hart. Oui. Avec Karl-Anthony Towns, on trouve aussi des connexions avec Brunson Ouais, aussi. ouais, ouais. Globalement, il est plutôt bien intégré dans le système offensif des Knicks. Il arrive à trouver ses Il a shoots. les On a shoots. toujours ce petit mid-range à reculons avec son style assez haut. Les shoots dans le corner, il les a aussi. Ça manque d'efficacité. Ouais, c'est Ça ça. finira sûrement par arriver. Et Les c'est shoots, il après les a. un joueur qui est peut-être soft dans l'attitude, souriant. Voilà, plutôt propre sur lui, qui n'est pas un joueur qui va être un Le col bon. bleu, qui va être rugueux, qui va aller à la bagarre. C'est le gendre idéal, Mikal C'est ça. Bridges. C'est ça. C'est le mec bien sous tout rapport. Belle gueule, beau sourire, Propre talentueux. sur lui et tout, voilà, Ouais, c'est voilà, c'est beau tiré à jour. quatre épingles. Voilà, Et bonjour on a monsieur. l'impression que c'est pas une implication défensive intense. Parfois oui, parfois il y a des errements de tête, mais aussi parce qu'il doit se retrouver avec un coach qui lui demande des choses peut-être Ouais. différentes. Il doit jouer à côté d'un OG Anunoby, il doit jouer à côté d'un Josh Hart. Voilà, il arrive dans une nouvelle équipe aussi, et c'est peut-être plus dur pour lui de s'acclimater dans ce système que un autre, à la savoir Karl-Anthony Towns. Donc voilà, on va encore lui laisser du temps. L'important, ça sera d'être présent pour les rendez-vous du printemps. Il y aura d'autres belles oppositions. Il y a des affiches plutôt attendues, dont cette semaine, on va en avoir une qu'on va attendre tout particulièrement. Donc c'est à ces moments-là où il va falloir qu'il essaye de gagner, regagner la confiance des fans, des médias, et puis qu'il aide à l'équipe à gagner, notamment sur son implication défensive, la partie offensive. Voilà, s'il y a quelques pourcentages qui sont un peu mieux, eh bien ça fera tout de suite une production qui le fera peut-être passer un cran au-dessus de OG Anunoby, surtout si OG manque de régularité. Donc voilà, donc pour l'instant, non, pour nous, c'est pas un bust. Est-ce que Léon a payé cher? Oui, sûrement, trop à voir. Mais voilà, on va lui laisser du temps encore à notre Mikal. Et alors, Après, justement. tu vois, après, tu vois, on disait pour OG Anunoby, il manque de régularité. OG Anunoby, il nous sort quand même d'un mois de novembre à 20 points de moyenne, à 40% à 3 points, à 5 rebonds de passe. C'est la fin après le match après Denver Ouais, où il marque un peu le c'est pas. ces matchs après Denver qui sont embêtants, je trouve qu'il y a une tache d'encre sur cette belle feuille. Mais quand tu regardes le mois de novembre, c'est 15 matchs. Et en 15 matchs, il a tourné à quasiment 20 points de moyenne, à presque 40% à 3 points, quoi. Énorme. Il a fait un mois de novembre monstrueux. Ah bah, Il a fait un mois d'où de... la question légitime All-Star ou pas All-Star. C'est ça, Mais il y a de la concurrence et même en interne. Et à côté de ça, tu vois, si tu regardes le mois de novembre de Mikal, ben le mois de novembre de Mikal, ben voilà, tu vois, là, tu es sur 14 points. Peut-être pas le regarder quoi. Tu es sur 14 points à 30%. Ouais, c'est l'efficacité. Tu C'est vois, tu es sur, à l'efficacité. 30% à 3 points. Et à 4 rebonds et 3 passes. Donc, tu vois, il y a quand même un... Là, par Et j'ai contre, pas regardé tu vois un en vrai gap volume. différence. Ouais, en volume, Mikal qui joue sur un poste de shooting guard, poste 2. Alors, Ouais. est-ce que c'est vraiment son poste? Est-ce que c'est un poste 3? Et puis, de toute Ouais. façon, en 2024, quelle est la réalité des postes? Alors, sachant qu'il y a des joueurs qui switch et tout, qui sont interchangeables et polyvalents. Est-ce que Josh Hart, c'est pas un 2 finalement? Bon, bref. En termes de volume, Mikal, il shoot à combien de 3 points par soir en comparaison d'un OG Anunoby? J'ai Alors, l'impression qu'il en prend plus en il fait. en prend 6,8, très exactement. Il shoote à 33% à 3 points, Mikal. Entre 6 et 7, ouais. Et notre ami OG Anunoby, donc voilà, donc 6 ou 7, comme tu as dit pour Mikal. Et il en prend 6. Voilà, donc un petit Vas-y, cran en dessous. 5,9, hein, on arrondit Voilà, à 6 tours ok. ronds, il en prend 6. Donc, à un près, quoi. Ouais, ça se vaut, ça se vaut. Mais c'est pas des shoots pris au niveau du même poste, dans la même physionomie du match. Bon, allez, allez. Mikal, on a beaucoup parlé de toi. On te donne des encouragements. Et on va voir ce que tu as fait cette semaine, Mikal, mais Les pas toi encouragements tout du seul. jury. Encouragement. Peut mieux faire. Continue de travailler. Il faut maintenir les efforts. Et ils seront récompensés tôt ou tard. Voilà. Voilà. Par Hein. contre, On n'est pas loin du conseil de classe du premier trimestre. on arrête le bavardage et Ouais. on participe plus en classe. Voilà, hein, on continue de travailler. Hein. Et puis les devoirs à la maison. Hein. Bon, cette semaine, enfin la semaine passée, il y avait 4 matchs, 4 matchs Knicks. Ils terminaient un road trip à l'ouest. Bon, il y avait une dernière étape à l'est, à Charlotte. Mais un road trip de 5 matchs, est-ce que ce road trip allait être positif ou au bilan équilibré, négatif? Comment allait-il se finir sur 5 matchs? Ça ne pouvait pas être équilibré, ça pouvait être positif ou négatif. Vous le savez, ça a terminé positivement, un bilan de 3-2 sur ce road trip-là. C'était bien entamé avec la victoire à Phoenix la semaine d'avant. Malheureusement, une grosse rechute face à Utah. Derrière nous, quand on a lancé la semaine, on s'est dit, bon, Denver, ça va être compliqué. Vous savez, il y a Jokic, un MVP. Bon, ils sont privés d'Aaron Gordon. Alors oui, ils étaient privés d'Aaron Gordon. Mais on a eu un match qu'on ne pensait pas avoir, à savoir un blowout. Mais un blowout dans le sens où c'est les Knicks qui ont infligé un blowout à Denver. Hein. Ce n'est pas au Madison Square Garden. Ça peut arriver des fois qu'il y ait des faux pas à la maison. Là, haute altitude, vous savez, il n'y a pas trop d'ozone, tout ça. Eh ben non, en fait, c'est les Knicks qui ont dominé. Faut appeler un chat, hein. Un chat. On sait ce que c'est, on en a Quand tu dans shootes la raquette. à plus de 50% à 3 points tout de suite, Ah, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, ça ça fait aide. mal, quoi. Ça fait Et mal. quand t'as un OG qui termine à 40 points et que t'as un Jalen Brunson qui fait 17 passes dans la rencontre, bon, ça veut dire qu'on a su faire une bonne utilisation des armes présentes dans l'équipe. Un match. Bah, qui a été à sens unique en fait. Assez vite, les Knicks se sont détachés au score, ont réussi à creuser l'écart, et à tel point que finalement Mike Malone, un coach qui est plutôt réputé, qui a eu du succès, il est champion NBA il y a 2 saisons de ça, et ben il a tout simplement jeté l'éponge assez vite en seconde mi-temps. Et on a un match où on a un OG qui termine à 40 points, on a un Karl Anthony Towns qui nous fait du 30 et 15, 30 Ouais. points, 15 rebonds. On a un Brunson à 23-17, c'est plutôt pas mal. Bon, Mikal dans tout ça, il nous fait que un 14 points avec des pourcentages un petit peu compliqués. Et Josh Hart, bon, qui nous fait une petite copie assez tranquille. Ouais, du Un 12, McBride. 12 points, 6 rebonds, 5 passes. McBride qui revient. McBride qui C'était son revenait, je match de crois, ce retour, match. hein, il me semble. Ouais, ouais, Ouais, ouais. ouais. 13 points sortis de banc, 6 rebonds, 4, Très 3 propre. passes. Très propre. Bien Très propre. accompagné de Campaign. Campaign, voilà, qui Bien que était assez lui, décrié. il fait. Et rapport qualité-prix, qu'est-ce qu'on va lui reprocher en fait? Il fait ses matchs, lui, hein. De croquer un peu parfois, peut-être? Ouais, des fois, il Mais s'emporte. c'est un joueur en sortie de banc. Il va exister par sa production Mais offensive. Ça va pas être un meneur gestionnaire. Non, moi, Campaign, j'ai rien. À part son shoot qui est bizarre, mais ça, c'est dans des fois, t'es l'esthétique. là, tu rages parce qu'il te prend un truc bien pourri, mais Ouais, mais il a une adresse qui est capable parfois de nous apporter des trois en sortie de banc. ben Alors, sur ce match, il a une contribution qui est à 11 points, 5 passes. ouais, C'est mais pas si mal que ça, en hein. 18 minutes. Bon, c'est sûr que quand t'as un Brunson qui en fait déjà 17, voilà, tu peux pas rivaliser avec 5 passes. Mais en sortie de banc, Ouais, eh mais ben, écoutez, toujours, c'est quand même plutôt un bon rendement. toujours à mettre en 18 minutes. Ouais, le rapport qualité-prix sur le temps passé dans un blowout. Alors après, on a ouvert le banc, on a eu du Tyler Colleck qui a joué 2 petites minutes, donc c'est effectivement Ouais, bon, des miettes. c'est anecdotique tout ça. Ça pouvait devenir un chouchou du public et des fans parce qu'on aime bien la nouveauté, on aime bien le petit jeune qui a du talent, qui a été pioché en mode style de draft. Oui, mais Campaign aujourd'hui, il y a un peu d'expérience et il le rend plutôt bien. Il a la confiance du coach Campaign, et de ses coéquipiers. ça peut être vraiment être un mec. Ça sera pas le sixième homme de l'année, hein, on est d'accord. S'il On va reste, se calmer, mais. s'il reste, non, mais ça peut être un mec, tu vois, s'il reste En évidemment un playoff, il 3 aura de. une importance. Mais ouais, en playoff, parce que c'est le genre de mec, putain, ils sont chiants, quoi. Ils sont Et puis, chiants. là où on a perdu du côté Hustle, lui, avec sa tête de petit gars tout gentil, bah au Oh, contraire, il est mais, plutôt Ah, il a une tête. vicelard, quoi. Il a une tête de con, quand même. Hein. Faut appeler un chien un Ouais, mais chat. Parce que. quand tu regardes l'effectif, si tu fais un photomaton de tous les. Un trombinoscope, c'est pas le mec qui te. Tu dis s'il va me chercher des embrouilles. Et pour autant, il est toujours là à faire des petits coups de vis, Bah des ouais, petites mais c'est ça, interceptions, c'est des ça. fautes pour casser un petit Ouais. peu un rythme, un run ou des choses comme ça. Et puis ces Donc trois, voilà. et ces trois, mine de rien, ces trois, ils font mal, des fois. Ouais, Ils font mal. ouais. Ils. Parce qu'il est pas défendu. Il n'est pas Et défendu. Il puis prend des tirs à 3 points ouverts et. il a son petit flotteur aussi là qui rentre pas mal. Franchement, Campaign, bon, non, bon, ça me. Moi, Voilà, j'ai c'est pas grand pas. chose à lui dire sur lui. On aurait Campaign en titulaire, on dirait, ouais. Bon, Non, voilà. Mais en sortie de banc, pour 15, plutôt 15-20, bonne pioche. 15, voilà, 15, 17, 18 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Et son association avec Miles McBride, bah, du coup, ça n'a pas. n'est pas pénalisé par les tickets shoot que va prendre Campaign. Ça nous donne un petit combo de back court qui est plutôt gênant pour les défenses adverses. Donc, non, non, voilà, belle contribution. Et puis voilà, un blowout infligé Tu à vois, Denver. on s'attendait tous les deux, on avait mis perdant contre les Nuggets, tu vois. Ah, il y avait Karl Anthony Towns qui était questionable. Finalement, il a répondu présent, donc tant mieux. Je pense que ça aide, parce qu'il fait quand même un 30-15, hein, donc Et voilà, un il a eu une Jokic, contribution. enfin ils ont un Jokic qu'ils ont Qu'a fait du plutôt. Jokic, mais. Non, moins de. Mais qui a pas joué tout le temps Moins de 10 parce que rebonds, l'équipe moins de était 10 des. passes, quoi. Moins de 10 rebonds, moins de 10 passes, tu vois. Alors, il a marqué 22 points, évidemment. Mais à 2 sur 7 à 3, et puis ouais, 7 rebonds, 7 passes. Un peu en dessous de son standard, quoi. Quand tu le vois Bah. qu'il truste les hauts des classements en termes de statistiques, et qui, encore une fois, le mieux placé pour décrocher le MVP de saison régulière. Ben là, il était en difficulté. Il était en difficulté. De par aussi son temps de jeu limité, et voilà, Mike Malone a lâché l'affaire assez vite. Comment il s'appelle? Tom Thibodeau l'a fait beaucoup plus tardivement. Hein, il avait sûrement peur d'un retour de flamme de je ne sais qui. Ben ouais, ben Russell Westbrook qui marque 24 de ses 27 points Oui, dans le quatrième c'est vrai. carton, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ils font un push, et donc ben, ça pousse Thibodeau à se dire, attends, là, l'autre, il est en train de prendre feu, le marsupilami, comme l'appelle Monclar. Attention, tu vois. Alors après, évidemment, quand tu arrives dans les dernières minutes, que tu as toujours 20 points d'avance, 20, 30 points d'avance, bon, ben voilà. Mais ils étaient en train de Il y a revenir. eu un run. Il y a eu un run Ouais, ouais, ouais, ouais. et un joueur qui est capable Et effectivement tu joues là-bas, tu joues à... Tu vois, il suffit d'un rien, le public est chaud, ça peut mettre le doute, et d'un coup, tu peux enrayer la machine. Et maintenant, dans cette NBA où le 3 est pris à outrance, ben, les Ça écarts peut aller très peuvent. vite. Ça peut aller très vite et 20 points n'est pas nécessairement suffisant pour se Ben, reposer en disant on le voit, c'est hein. bon, je fais tourner Pour mon le coup, effectif. ça arrive Ouais. souvent dans les matchs, pas forcément des Knicks, mais même dans d'autres matchs NBA, où tu vois, il y a un écart de 20 points, et puis. Il y a de ça Il y a un peut-être 20 comeback. ans, il y a 20 ans de ça, un écart de 20 points, ça aurait été quand même dire de revenir. Là maintenant, un écart de 20 points, tu fais 3 stops et 3 contre-attaques ou 4 contre-attaques à 3 points, boum, tout de suite tu reviens à moins de 10, quoi. Et ça. Plus personne n'est à l'abri de nos jours. Plus personne. Derrière, déplacement toujours dans l'Ouest, dans le Texas, à Dallas. Oh Bon, là pas de là. Luka Doncic. Oh Il là n'y avait là, pas ce de match. Klay Thompson. Mais là, on a eu le jour et la nuit. Ah ouais. Autant à Denver, réussite totale et maîtrise, voilà, des records qui tombent et tout. À Dallas, c'était l'inverse. Ah là, Absolument pas tu d'adresse reviens sur terre. Là, tu reviens sur terre. et d'entrée de jeu, t'es distancé. Dès le premier quart, on se prend un écart. Et derrière, les Knicks ont essayé de courir après le score tout le long. N'ont pas réussi à inquiéter vraiment cette équipe de Dallas qui a été plutôt bien emmené par un Kyrie, par un qui d'autre qui a brillé côté Dallas, PG Washington par Najee séquence. Marshall, Najee Marshall. Oui, c'est lui, ouais, Najee Najee. Enfin Marshall bref. qui nous a ouvert, quoi. On était à contre-courant dans cette rencontre. On n'a pas su imposer Et notre jeu. Quentin Grimes aussi. Très très bon. Très très bon à ce match. Ah, il D'ailleurs, s'est rappelé au bon souvenir des Knicks. Il a été interrogé en fin de match. Il a dit non, non, c'est un match comme les autres. Ouais, à d'autres, Ouais, à d'autres. non, mais après, il a fait quand même une sortie où il a dit que justement, sous coach Thibodeau, ses missions Ouais. défensives, c'était de s'envoyer contre les meilleurs Les joueurs stars adverses. adverses. Et que, en fait, ben, justement, cette confiance qu'il a eue par les Knicks, ben, ça lui a appris à défendre sur Ouais. les. Voilà, il a eu quand même des bons mots. Il faut quand même voir les 3 derniers matchs de Quentin Grimes, après les Knicks, où il nous marque 21 points, 7 rebonds de passe. Il joue contre Utah, victoire, 24 points, 3 rebonds. Et contre Portland de cette nuit, 28 points, 5 rebonds, 3 passes, 5 vols de balle de Quentin Grimes, avec un joli 5 sur 7 à 3 points. Ah non, Quand il le. était à New York, on aimait la comparer à un pourquoi pas Klay Thompson 2.0. Bon, on va peut-être revoir un peu nos considérations, mais c'est un joueur qui a voilà, toutes ses qualités C'est un joueur intelligent de aussi, par exemple. défense, C'était. un shoot. Il a été un peu sacrifié parce qu'il fallait dumper Evan Fournier. Ouais. Donc en plus, tu vas chercher un Bojan qui finalement pas trop était. Il est reparti aussi vite qu'il est venu. Ouais, Voilà. et puis après, il s'est blessé en playoff. Donc au final. Et donc, tu as sacrifié un peu Quentin Grimes. Parce qu'aussi, il faut bien le dire, tu n'as pas voulu le payer aussi. Hein, je veux dire, il est arrivé Oui, il y après avait un camp. quelques états d'âme en sortie de banc, Voilà. voilà, c'était Et bon. d'ailleurs, Détroit ne l'a pas gardé. Il signe free agent à Dallas. Il retourne dans son Au Texas. Texas. Mais très beau joueur, hein, Quentin Grimes. C'est vrai que là, bon, bah, il s'est Ouais. rappelé à nos bons souvenirs, quoi. C'est sûr qu'on l'aurait en sortie de banc, Je l'ai voilà, cherché, on cracherait pas dessus. j'ai pas trouvé, je sais pas si tu l'as vu, j'ai pas trouvé, j'aurais aimé voir, je crois, une photo, une vidéo, je pense qu'il a dû avoir une petite accolade avec Deuce En McBride, je fin de pense. match? Ouais, avec Deuce, Ouais. j'aurais aimé Est-ce qu'ils voir. sont copains de. Enfin, promo de draft, Ouais, ils quoi. sont arrivés Bien sûr. ensemble, et puis c'est vrai que bah, ils se sont. Bah, tout de suite, c'était les deux, quoi, ils se sont acclimatés ensemble, et il y avait une certaine proximité entre les deux, et c'est vrai que bah, j'ai essayé de voir, mais j'ai pas vu, j'ai pas. En tout cas, un match compliqué pour les Knicks dans le Texas. Voilà, pas d'adresse, on l'a dit. Hein, Bridges à 40% à 3 points, mais 4 sur 10, quoi. Hein. Brunson, 0 sur 3 à 3 points. C'est un peu curieux parce qu'il termine quand même à 37 points. Donc, une belle prestation de sa part. Karl-Anthony Towns à 25-14. Bon, il fait à peu près le taf. Mais voilà, les Knicks distancés. Là, en sortie de banc, bon, Miles McBride, on l'a dit, 5 points. Campaign, 6. Et voilà, Dallas qui a roulé sur New York, qui a contrôlé New York toute la rencontre. Un Kyrie Irving qui a pris des shoots compliqués, mais qui sait les mettre. Personne ne pouvait défendre dessus. Hein, ils se sont relayés, hein, que ce soit Mikal, Josh ou OG. Tous y sont passés, mais quand Kyrie veut marquer des paniers, il le fait. Il a cette capacité à se créer son shoot et à savoir finir dans différentes Non, c'est un super. situations. Kyrie Irving, c'est un Il nous rappelle super. que c'est un joueur élite. Ça jouera Il a eu pas. tous ses déboires, entre autres à Brooklyn, mais bon, c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. Et ça reste un joueur élite qui est rentré dans le rang en termes de popularité de Star System NBA, de Ben, partout, aussi, toutes les histoires qui l'ont entouré. c'est ça, c'est pas son équipe. Il avait quand même des casseroles en sortant de Brooklyn. Ouais. Dallas, là, on va pas dire relancé, mais lui a donné une Sorte chance. de rédemption, entre autres la saison dernière, quoi. Il a su la saisir, cette chance. Ils l'ont re-signé ensuite derrière. Et puis, il y a cette. Finalement, ce bas court qui tient la route avec Doncic, Ouais. ils font quand même finale NBA, hein, donc ça veut dire que ça marche. Donc voilà, non, Kyrie, super joueur. Kyrie, super joueur. Et un autre joueur qui est passé par Brooklyn, c'est Spencer Dinwiddie, hein, qui a aussi, lui, montré de belles choses sur cette rencontre. Bref, c'était Ouais, trop non, mais compliqué pour New York sur ce match. défensivement, y Pas a... d'adresse et. Défensivement, c'était nul. Offensivement, c'était nul. Encore une fois, t'encaisses plus de 120 points. Ce Ouais, on match, n'a pas parlé des scores, mais. c'était un non-match. C'était un non-match. Genre, je sais pas ce qu'avait l'équipe, mais une purge côté Knicks. Et je me demande si c'était pas un des pires matchs de l'équipe de New York depuis le début de la saison. Il y avait Ah, rien. le pire, je sais pas, parce qu'il faut quand même aussi donner du crédit à cette équipe de Denver. Non, Décidément, j'arrive pas à dire mais oui. Dallas. Cette équipe de Dallas qui était finaliste la saison dernière, qui s'est Ah. renforcée ou qui s'est. Voilà. Non, mais je mets pas. Et qui a un beau collectif, même si c'est pas l'équipe que je préfère, clairement. Il faut pas oublier non plus qu'on est en road trip et qu'en road trip, bah, y a de la fatigue. Les road trips sont pas Ouais, mais toujours je suis pas d'accord. avec un bilan positif pour toutes les équipes, hein, au Non, mais sens large. alors, on va pas Donc. commencer. Oui, mais la veille, l'oreiller était trop ferme, le Ah non, mais matelas était trop mou. Et ça c'est non, alors l'excuse ça donnée par c'est. Denver en disant nous on est resté à Oui. Los Angeles, on est Oui, rentré tard. mais Les gars, c'est vous avez aussi un perdu, vous peu avez perdu. l'excuse. Hein. C'est aussi un peu l'excuse que tu avances en disant ouais, les road trips, Dallas, ils avaient joué comme nous, à l'étranger, à À Atlanta. l'étranger. Ouais, mais quand je dis à l'étranger, c'est. Ils avaient joué comme nous, à À l'extérieur, l'extérieur. à Ouais. Atlanta. Tu vois, donc eux aussi, ils étaient en déplacement. Ouais. Donc, Après. bon, La voilà. longueur du road trip, tu vois, Non, mais quand c'est je ce. disais que c'était. Je n'aimais pas. Comment dire, je ne minimise pas la performance de Dallas, qui a fait le match parfait. Je dis juste que les Knicks, eux, n'ont pas J'ai pas eu la joué. même intensité. Ils Ouais. n'ont pas joué avec, Il y a avec de l'intensité. l'énergie. Ils n'ont pas joué avec, voilà, avec de l'intensité. Offensivement, c'était pauvre. Défensivement, les mecs étaient paumés. Bref, il n'y avait rien qui allait dans ce match. Quand je dis que c'était une purge, le match des Knicks, c'est pas, je dis pas que Dallas a fait un super match. Je dis juste que les Knicks ont été mauvais. et ils ont été mauvais. Et c'était un des pires matchs des Knicks de la saison. Ils ont pas proposé d'adversité à cette équipe de Dallas qui n'a demandé pas tant J'aurais pour peut-être nous mis battre. Utah devant, tu vois, parce que perdre à Dallas, tu peux l'accepter. Même s'il Oh, manque du monde, tu peux l'accepter. t'as quand même 20 points de retard à la mi-temps, hein. Oui. Ah non, mais c'était moche. Mais est-ce que c'est dans le classement des pires? Bon, on le fera sûrement à la fin de la saison, les pires matchs. Mais voilà, après coup, je peux accepter de perdre contre Dallas en me disant c'est les finalistes. Ouais, mais tu Voilà. perds contre Utah, Dallas, Utah, non. qui ont pas Daniel Utah, non. Gafford, qui ont pas surtout Luka Doncic, Oui. qui ont pas Klay Thompson. Il leur manquait encore un Ouais. autre joueur. Ils étaient quand même bien diminués, Ah ouais, quoi. non, mais ils étaient diminués. Mais des fois, des équipes diminuées, et jusqu'à présent, même avec l'absence de Doncic, ils ont eu un bilan de victoire plutôt intéressant. Ça permet de ressouder les joueurs, ça permet de donner des libertés à certains. Et voilà, ils étaient dans Je une bonne pense que mine dynamique, et bah, ils ça nous ont battus. la blessure Bravo à eux. La blessure de Doncic, tu sais, c'est peut-être con, mais ça a peut-être C'est un manqué mal pour un bien. de lancer, justement, parce qu'on savait que il était un peu en délicatesse là-bas, à Dallas, Grimes. Et ben, je pense que ça lui a peut-être lancé sa saison, tu vois, Quentin Grimes, Ouais. la blessure de Doncic, du coup. Ça permet de donner de la confiance et puis là, il a affronté les Knicks, il s'est fait plaisir. Bon, allez, défaite à Dallas, il restait un match, une étape, c'était pour la Cup, c'était la fameuse soirée de vendredi, la KNF Viewing Party. Bon, le parquet est toujours un peu ouf, mais surtout un match d'autant plus ouf, il n'y avait pas la Melo Ball, il n'y avait pas le Bridges, Là, là, là. Il leur le manquait, Banny. mais il leur manquait tout le monde. Il leur manquait leurs 5, en fait. Mais ils avaient Diabaté. Et ils avaient Brandon Miller. Et les Knicks ont été à la peine. Oh, j'ai cru qu'on allait perdre. J'ai cru qu'on allait perdre. Et certains mauvaises langues auraient dit, ouais, les viewing parties, à chaque fois, il y a des défaites. Ouh là là, on n'en était pas loin. On n'en était pas loin. On était en fin de road trip. Oui, mais d'autres équipes jouent à l'extérieur, certes. Mais on a senti les Knicks déjà mal entamés dans cette rencontre, encore une fois. Ah ouais, non Distancés mais... au score, on se dit, mais attends, c'est Charlotte quand même. Ah ouais, non Ok, mais c'est un match c'était... de coupe. Mais Charlotte n'avait pas gagné un match dans la Il coupe. était moche aussi ce match-là. Oh là là là là là là Et là là. là, on avait des problèmes d'adresse. On avait normalement un Karl-Anthony Towns qui devait pouvoir dominer dans cette rencontre, dans la raquette. Ok, on a un Diabaté qui est plutôt intéressant, surprenant, avec des records au rebond cette saison, ce début de saison. Mais quand même, ça a été une galère sans nom, cette Ah, rencontre, ah ouais. et qui s'est jouée, en plus, en profitant des erreurs nombreuses commises par les Knicks, des pertes de balles. Combien on a de pertes de balles sur cette rencontre? Beaucoup 19. trop, encore une fois. 19. Mais 19. comment? 19. Voilà, 19, on rend 19 ballons à l'adversaire. Voilà. C'est se tirer une balle dans le pied Le match était pour moche essayer de des gagner, deux quoi. côtés, hein. C'était pas beau du Oui. côté des Hornets et c'était pas beau du côté des Knicks, hein. Ce match, c'était une vraie purge, hein. C'était waouh. Nous, on l'a regardé parce que ben, on supporte les Knicks, donc on regarde le match des Knicks. Mais un mec lambda, en plus, je crois qu'il était Tu ne me sur. recommandes pas à regarder ce match-là. En Hein. plus, je crois qu'il était sur beIN le match Alors, à il une était heure. plus tôt. Voilà, c'était midi aux Que États-Unis. tu regardes Bon. ça, tu fais non, mais bon, bah attends, je vais mettre Joséphine Ange Gardien plutôt, quoi, à la télé, tu vois, frère. C'était. Ouais. Ouais, c'était brouillon. Brouillon. Et dans ce marasme, bien voilà, le banc peut utiliser, bon, on le sait, hein, que 14 points de McBride. Tu fais la Le meilleur décision à la marqueur, fin. c'est Brunson. Oui, il fait quelques belles actions sur la fin. Mais même en la fin de match, les Knicks repassent devant Au au talent, talent, on va dire. oui, c'est Au ça, au talent, ouais. talent. Au talent, mais ils se font peur. Ils se font peur. Ils se font peur. Et Pourquoi il suffit d'un rien pour que ça bascule d'autrement Charlotte ce match. à 1 minute de la fin a un ballon pour égaliser à 3. Ils sont maladroits, ils le ratent. Enfin, la dernière minute, elle est assez what the fuck. Et puis à la fin, donc t'as ces 4 points d'avance. Et puis ils ont leur dernière possession. Et puis ils ont ce 3. Ce 3 tiré marqué au buzzer, mais il est terrible ce 3 parce que le 3 mange le chrono pour les Knicks. C'est ça qui est énorme. C'est que le 3 tourne autour de l'arceau, il tourne autour de l'arceau, ça sonne et poum, il rentre. Ouais. Et le match se finit comme ça. La fin, elle est terrible. Elle est terrible. Ce 3 là qui rentre, il tourne, Ouais, mais qui tac, tourne, il rentre. tourne, il tourne. Voilà, et puis là, il s'est manqué de quelques lancers francs qui auraient été loupés en plus, parce que les Knicks n'ont pas été impériaux non plus sur la ligne des lancers francs. Voilà, on s'est fait peur tout ce match. Ça devait être une affiche, voilà, où bon, les Knicks devaient passer tranquillement, entre autres de par les absences, et ça a été une galère pas possible. Heureusement, ils en terminent victorieux. Ils terminent avec un bilan de leur road trip de 5 matchs, donc 4 à l'ouest, avec un bilan total de 3-2. Voilà, mais on est passé pas très loin de la correctionnelle. Et derrière, dernier match de la semaine, réception des Hey, Pelicans, qu'est-ce que une j'avais équipe dit des sur ce Pelicans match? bien diminuée. Qu'est-ce que j'avais dit sur ce match? J'avais dit tout le On monde était capable roule. de le perdre. J'avais dit non, non, j'avais dit tout le monde roule sur les Pels. Ah oui. Il y a pas de raison que nous on leur roule pas dessus aussi. Bon. On les a roulés dans tous les sens du terme. Voilà, il n'y a pas eu de match non plus. Là, on a eu un bon blowout, retour à la maison. On a sorti les Jersey City Edition. Et puis, on a eu le Mikal Bridges Game. Eh oui, Mikal Bridges Game. Enfin, Il nous fait ton douter match depuis le de début de la référence. saison. Et bien là, son match de référence, il termine meilleur marqueur de la rencontre. Il termine avec son record d'adresse à 3 points, 7 sur 12, 7 paniers à 3 points. Comme quoi, à la maison, ça se passe mieux. Et bien, j'espère que ça va durer, puisqu'on va avoir encore une petite série de matchs à la maison. Karl Anthony Towns en difficulté sur son adresse, mais présent au rebond. Quasiment 19 20, rebonds. presque 20, Voilà, ouais. quasiment. JB fait plaisir aux copains. 16 points, 9 passes. Bon, voilà, très bien. Et puis sur un temps de jeu, 26 minutes, ça aussi, il Ouais. faut qu'on le dise. C'est un blowout. Les Knicks ont eu jusqu'à 40 points d'avance. Ouais. Voilà. Donc là, à ce moment-là, Monsieur En Tom cruise Thibodeau control, s'est après. dit, bon, on devrait le gagner. Ouais. En face, ils n'ont pas d'adresse, même s'ils essayent de revenir de temps en temps. Et Ça nous fait pas peur. 15% à 3 points hein, pour les Pélicans à 3. Ouais, ouais, ouais. 15%, 4 sur 27. Hein. Waouh. On a un McBride qui nous fait 13 points sortie de banc, on a Campaign à 8, on a un Matt Ryan qui nous fait 8 points en 9 Bah ouais, minutes, pas ouais. mal. Bah ouais, le pistolero. Tyler Colley qui joue, Sips, Hugues Porty, bah oui, ça faisait un moment qu'on l'avait pas revu. Pas comme Daddy a pas joué, bah oui, pourquoi? Parce qu'il était assigné à l'équipe de G-League, on n'en a pas parlé, mais il était en civil sur ce Ouais, match, dommage. j'ai suivi son match, si on peut en parler deux petites secondes, pas comme Dadier. Compliqué son début de match avec les Westchester. Très compliqué, Le contexte. c'est-à-dire qu'au bout de 12 minutes, il était à 0 point pour 0 sur 4, je crois, ou 0 sur 5, 2 rebonds. Compliqué, bon, il finit quand même avec une bonne ligne, avec 12 points, 12 points, je crois, 4 rebonds, 5 passes, ou 5 rebonds, 4 passes, enfin, un truc un peu plus propre, quoi. Je pense Pour que. finir, mais peut mieux faire en G-League. Après, c'est un contexte différent où beaucoup de joueurs, des fois, essayent de se montrer. Ça va pas être le même jeu. C'est bien pour lui qu'il ait un petit peu de compétition, de rythme aussi, parce que c'est un jeune joueur. Il va sûrement faire quelques autres allers-retours comme ça. On pensait voir pourquoi pas des Tyler Colley ou des Hugues Porty, qui sont généralement ce type de joueurs qui font les allers-retours avec la G-League. Bah non, c'est plutôt Dadier qui le fait le premier. Dommage, parce que sur ce match, il aurait eu l'opportunité de jouer. Face aux Pels. Mais voilà, en tout cas, un blowout sans contestation. Et puis surtout des Pels qui étaient incapables de rentrer un panier en premier quart-temps. Ouais. Donc vite les Knicks ont joué peut-être avec un rythme offensif un peu plus slow tempo sur ce premier quart, ce que j'ai Juste un trouvé. permis justement à mettre Mika Bridges en confiance, quoi. Ouais, Il ouais, avait quand ouais. même carte blanche, quoi. Il a 12-13 points, je crois, en premier quart. Donc voilà, il s'est mis en confiance. Et tant mieux, parce que ça fait taire peut-être un peu les critiques, ça permet de faire retomber le soufflet, la pression sur lui. Il retourne à la maison, et puis forcément, des bonnes performances à la maison, ça passera mieux devant le public. On a le droit de se louper à l'extérieur, ça peut passer, voilà, loin des fans. Là, il a fait le bon match qu'il fallait, et tout de suite, ça nous remet un petit peu plus d'assurance pour la suite. Voilà, bon. On termine bien la semaine, un bilan de 3-1, je crois que c'est ce que j'avais pronostiqué, alors Ouais, bon, je ouais, ouais. pensais pas à la Je me victoire de dis Denver 2-2, et je moi. pensais plutôt gagner à Dallas, Et au final, il faut le se bilan est dire positif qu'on. sur cette semaine. Et sur les 10 derniers matchs, on est sur 7-3. C'est pas mal? C'est pas si mal que ça finalement, est-ce que les Knicks vont trouver de la régularité? Ben, on l'espère, en tout cas Et ça permet de dis-toi terminer... que sur les 10 derniers matchs, donc on est en 7-3. Tu perds contre les Bulls 124-123, les Bulls qu'on doit prendre. Tu perds contre le Jazz et tu perds contre les Mavericks. À chaque fois, c'était des matchs qui étaient à notre portée. Tu vois, je veux dire, tu vois, tu perds pas contre le grand Golden State. Tu vois, tu perds contre des équipes et On l'a pas encore vu. les Bulls qui sont, enfin bref. Et Un projet compliqué à Chicago dans les ouais, Lignards, non mais mais tu... qui ont été capables de gagner contre New York. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. C'était un match qu'on aurait dû prendre. Je crois qu'on était en back-to-back sur ce match-là. Mais voilà, il y aura des défaites comme ça. Il y en Mais aura d'autres dans la ce que je saison. veux dire par là, c'est que quand tu vois, tu vois, là t'es un 7-3, t'es un 10-0, c'est presque pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Non, c'est pas pareil. Pas ce que je Même à dis. 9-1. Mais ce que je veux dire par là, Théoriquement, c'est sur que le c'était papier, des... ça aurait pu être 7-9-1. Ouais, c'était des matchs, quoi. À la limite, en effet, Dallas, tu le perds. Mais c'était des matchs, le Jazz, putain. Ouais. Celui-là, il reste surtout en travers de la gorge. Bon, allez, ça, c'était la rétrospective. Vous le savez, une rétrospective, ça doit se terminer par un Player of the Week, un Nick of the Week. Alors, on a pensé à plusieurs noms. On s'est un petit peu remué les ménages pour savoir qui allait avoir le Parce droit à que cet honneur. il y a eu des games de chacun, mais je Eh oui, pense que pour commencer la semaine, c'est la régularité OG qui 40 est points. OG All-Star ou pas All-Star, donc du coup il doit l'avoir ce titre de Nick of the Week. Ouais, mais le reste de la semaine n'a pas été avec cette même régularité-là. Voilà. Il perd des ballons, notre ami OG. Il nous semble peut-être des fois un peu fatigué, je ne sais pas. Mikal Bridges, on a dit, est-ce que c'est un bust ou pas? On l'a surpayé, surcoté, et puis là il nous fait son record en carrière, 30 points, voilà. Donc bon, dans un blowout aussi, certes avec une opposition des Pelicans qui est peut-être à relativiser, il manquait beaucoup de monde. Ils n'avaient pas Zion, bon ça c'est constante, ils n'avaient pas Ingram, ils avaient Murray et McCollum, mais bon, c'était un peu léger tout ça. Bref, est-ce que les deux pouvaient avoir un co-Nick of the Week? Ah. Karl-Anthony Towns, bah il nous a fait une semaine un peu plus discrète. Il y a des rebonds, il y en aura toujours, puisque de toute façon il joue au poste 5. Et avec tout ce que les mecs ils arrosent, bah, il en prend de temps en temps quand même. Oui. Mais moins de performance, on va dire éclatante. Oui, le match à Denver était une belle performance, 35, ça compte. Mais non, finalement, on a décidé d'attribuer ça à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, bah, c'est ni plus ni moins que le capitaine. La régularité, je veux dire, c'est Mais ouais. Même dans les mauvais matchs, il est pas si mauvais que ouais, ça, notre ami Brunson, quoi. cette semaine, tu regardes Denver, c'est 23 points, 17 rebonds. À 8 sur 14 au shoot et 4 sur 5 à 3 points. Ensuite, tu enchaînes avec Dallas, c'est 37 points avec 7 passes, 2 vols de balles. Alors, Je oui, connais Dallas, je connais Dallas. il y a un 0 sur 3 à 3 points, mais 14 sur 21 au shoot. Très propre, 14 sur 21 au shoot. 66% à 3, 66%. Ensuite, tu enchaînes avec un 31 points contre Charlotte, avec un joli 6 passes, 6 rebonds, avec Et là encore. heureusement que il est assez Là clutch, encore, on va dire, en fin de ouais, match, quoi. exactement aussi. Là aussi, tu vois, très propre au niveau des pourcentages. 9 sur 18 au shoot, 4 sur 6 à 3 points. Le shoot à 3 points revient hein, pour Jalen. Ouais. Et puis donc, tu finis dans ce blowout où il finit à 16 points avec 9 passes. Et là encore, 3 sur 7 à 3, 4 sur 11 au shoot. Sur Et un temps de jeu de 26 minutes, il s'est reposé. Bon. donc, c'est vraiment la régularité. Voilà, il a été le patron. Le patron a été régulier. Et puis il nous régale avec ses passes. Il nous fait encore de ses passes là, même sur ce match face aux Pels. Magnifique, magnifique. Donc voilà, faut souligner ce côté collectif Est-ce cette qu'on voit saison de. que les passes de Karl-Anthony Towns, sur le match d'hier, à un moment donné, écoute, pareil, il y a une action où il trouve Mikal Bridges, Dans le corner. ça lui tourne autour, et donc, et paf, et là, en fait, il le voit tout seul, boum, tout de suite, il lâche la balle, Towns pour Bridges. C'est tour de contrôle là, en poste haut. Ce rôle-là lui va à merveille. À chaque fois, il trouve des mecs. Ouais. Si cette saison il nous manque un petit peu de sel, de piment défensif, voilà ce côté hustle. Au niveau des passes, on se régale. Au niveau du mouvement de ballon, au niveau du jeu offensif, on se régale. On a quand même une des deux, trois meilleures attaques de la Meilleure ligue. attaque, je crois. C'est la meilleure attaque de la NBA, je Après ce crois. match, peut-être qu'on est Ouais. en... J'ai pas Ouais. Ils sont réactualisé mes stats, passés à la mais meilleure attaque de la NBA et voilà, on est sur le podium des meilleures attaques. il y a Après, le moins d'iso. problème, Il y a moins d'iso, faut bien le dire aussi, le ballon ne circule ah, plus. on en voit très peu finalement, très peu. Et Ouais. hier, tu avais une belle connexion entre Jalen Brunson et Mikal Bridges. C'est en ça, tu vois, où je me suis dit, ils essayent de, tu vois, ils. De l'impliquer, de lui donner de la confiance et de le faire sortir dans ce trou Ouais. d'adresse Je dans trouvais lequel il était. qu'il était beaucoup plus impliqué sur les systèmes, tu vois. Ouais. Mais voilà, ces critiques arrivent finalement aux oreilles des joueurs. Ils en parlent, ils témoignent ou ils répondent dans les médias, sur les réseaux. Et voilà, ce rôle de capitaine cette saison, JB, il est super honorable parce que il implique ses nouveaux coéquipiers que sont Mikal Bridges, il le connaît, il a cette connexion déjà naturelle, mais aussi Karl-Anthony Towns. On a vu quelques pick and roll qui se font entre les deux. Donc voilà, il a aussi ce rôle qui est important dans le jeu offensif de l'équipe. Défensivement, voilà, il y a du mieux à faire. S'il y a une progression à avoir côté Knicks, ça va être dans le jeu défensif. Offensivement, on sait, ça va aussi beaucoup dépendre de l'adresse. Et il y a des matchs où on a vu que l'adresse n'était pas au Le rendez-vous, on se met souci, en c'est ça, c'est difficulté. que notre On équipe. doit pouvoir se reposer sur des fondamentaux défensifs qui ne sont pas là, Et notre pas au point, en équipe, tout cas. ça, on l'a dit la semaine dernière. Et on risque de le Là répéter toute la saison, hein. où l'année Et un là peu. où l'année dernière, si on manquait de l'adresse, on arrivait à gagner les matchs sur la défense, là, cette année, si on n'a pas d'adresse, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué parce qu'on n'arrive pas à faire des stops. Là, c'est bien, on a maintenu deux équipes sous les 100 points. Mais tu as maintenu Charlotte qui est décimée et les Ouais. Pélicans qui sont décimés. Et Voilà. puis Donc, les Hornets qu'on maintient sous les 100 points, ils en sont à 98, on en met le 99. Donc c'est révélateur, un soir où en adresse, on n'est pas là, quoi. ce sera le prochain match. Ah, mais et si on en parlait un peu? Si Exactement. on regardait le programme de la semaine, parce qu'après tout, cette émission s'appelle Avenix Week, on a eu une bonne semaine la semaine dernière, mais est-ce qu'on va avoir une bonne semaine cette semaine? Bah moi, je vous propose de regarder ça ensemble pour voir quel est le programme de la semaine. Allez, c'est parti. Et oui, si maintenant Seb me fait des passes décisives, où est-ce qu'on va aller? On va avoir une attaque, Je suis attaque de clutch. feu, Je suis attaque de clutch. feu. Eh bien, après 4 matchs de la semaine dernière, dont 3 à l'extérieur, cette semaine, on aura 3 matchs à domicile. Formidable. La magie du Garden va-t-elle opérer? On a dit, beaucoup se sont projetés sur le mois de décembre. On va regarder ça doucement, semaine après semaine, parce que la forme des équipes, ça va, ça vient. Il y a des équipes qui peuvent être décimées par des blessures, d'autres, pourquoi pas, pourraient engendrer quelques retours. Les Knicks aussi, hein. Peut-être Mitch Mais Robinson, peut-être Precious. t'as Il y vu a un moment, enfin, Precious, retiens hein? les gars, quoi. Ben, Hein. t'as vu Precious, Precious, c'est long. Hein. là, J'avais un match à louper, quand même. visiblement, il serait pas en confiance, ou je sais pas. Enfin, en gros, physiquement, Il ça prend son va. temps pour revenir, quoi. En gros, Ouais. physiquement, ça va. Mais mentalement, ça va pas trop, en fait. Enfin, En fait, il est bien sur le banc, quoi. Non, mais il y a une appré... Visiblement, il y a des histoires d'appréhension du contact, ou je sais pas quoi. Et. Après, bon, c'est un joueur qui va en prendre des contacts compte tenu de son poste, mais il faut qu'il se sente fort Ouais, mais bon, à un physiquement. moment donné, gros, t'es payé, quoi. Faut y aller, hein. Et oui, Faut. gros. Et oui, gros. Et t'es peut-être moins payé que d'autres dans l'équipe, gros. Mais t'es quand même payé, gros. Ben Et ouais, nous, faut y on n'est aller, pas payé quoi. autant. Donc, sinon, tu donnes ton salaire et nous, on va jouer, gros. Voilà. Nous, on va trouver des mecs, hein, qui vont jouer à ta place, hein. Y a pas de Bon, problème. Precious, on n'a jamais dit que t'étais gros, c'est affectif. Et on attend ton retour parce qu'on se dit que ça va apporter, voilà, défensivement au poste 4 et pourquoi pas au poste 5. On aimerait bien voir cette un petit peu association de deux intérieurs à côté de Karl-Anthony Towns. Est-ce que Towns sera décalé en 4, 5? C'est pas le débat qu'on va lancer maintenant, ça on en parlera beaucoup plus tard. Mais en tout cas, cette semaine, en termes d'appréhension, il y a des adversaires qui doivent te permettre, pourquoi pas, d'envisager un retour. Et donc cette semaine, on a 3 matchs au programme, dont un match de la Cup qui va être super important. On Ah aura le ouais, retour aussi tous les niveaux. des Charlotte Hornets. On aura donc match de la Cup face au Orlando Magic, une Ah équipe ouais. qui est pour l'instant classée 3e de la conférence. Et sur une On va parler de la dynamique, Cup. On va parler de la Cup dans pas fou. longtemps. Et sur Ouais, ouais, une ouais. dynamique fou. Charlotte Hornets, on les a joués il n'y a pas longtemps, on les a tenus sous les 100 points, mais c'était compliqué. Là, ça sera à la maison que ça va se passer, dans la Voilà. nuit de jeudi à vendredi. Et puis samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, ça sera les Detroit Pistons, qui font une saison plutôt honorable au regard des attentes qu'on pouvait avoir avec eux en ce Ouais, début de bah saison. tu vois, JB Bickerstaff, moi je te dis, il est décrié, mais je pense C'est que pas un si mauvais coach que ça. bah, pour un projet où Peut-être tu dois. meilleur que Monty Williams, tiens Bah, donc. pour un projet où tu dois relancer des mecs ou relancer une équipe, je pense que c'est l'entraîneur parfait quoi pour ça. Donc En tout voilà, cas. 3 matchs au programme. On va parler de la Cup vite fait, et puis après on regardera Absolument. la forme du moment. Parce que oui, la Cup, bon, ouais, qu'est-ce que c'est cette coupe? Ça sert à rien. C'est pour gagner 500 000 dollars, ça sert à rien. C'est un faux trophée. Mais on Ouais, les mais gagne bon. aussi les 500 000 ou pas? On Tout les à prend? fait. Ouais, Ah! gros, ouais. Ah! Ah, tu... Voilà. Effectivement, chaque fan touchera 500 000 $. Bah ouais, là, du coup, on apprécie différemment. Tout est une question de relativiser le prix. Toujours une question de prix. Non, mais au-delà de cette prime à la Cup, bah, y a quand même une compétition à jouer. Et pourquoi pas un titre à aller chercher. Alors bon, aujourd'hui, ça fait rigoler. Dans quelques années, peut-être qu'on considérera ça différemment. Peut-être que dans quelques années, la NBA évoluera et ne fera plus cette notion de division, de conférence. Peut-être qu'il y aura des formes qui seront revues pour l'organisation de cette coupe. Mais en tout cas, ça se joue aussi avec une notion de goal average qui n'est pas quelque chose de très commun pour nos amis outre-Atlantique. On gagne ou on perd des matchs. Ah, finalement, l'écart, on s'en fiche un peu. Mais l'écart, il compte et il va d'autant plus compter que ce match, si les Knicks l'emportent tranquille, ils seront qualifiés. Ils auront un ticket pour les quarts de finale pour affronter une autre des équipes de qualifiés ou la wild card. Et cette wild card, eh bien, si les Knicks perdent, ils ne pourront pas l'avoir. La saison dernière, ils l'avaient eu. Ils avaient réussi à se qualifier pour les quarts de finale et ils s'étaient fait éliminer par les Milwaukee Bucks, si je ne dis pas de bêtises. Là, cette saison, si les Knicks perdent, ils seront avec un bilan de 3-1 dans la coupe et avec un goal average nécessairement moins bon que celui qu'ils ont actuellement. Et les Boston Celtics, qui ont déjà joué leurs 4 matchs de coupe, sont aujourd'hui avec un bilan de 3-1 avec un meilleur goal average et voilà. Que les Knicks. Donc, si les Knicks étaient, par mésaventure, amenés à perdre cette rencontre au Madison Square Garden face au Orlando Magic, non seulement ça sera une défaite qui va compter dans le bilan de la saison régulière, mais il va compter aussi dans ce bilan de Cup. Et malheureusement, ils ne pourront pas bénéficier de cette wild card. Donc, s'ils veulent se qualifier, s'ils veulent aller plus loin dans cette aventure, dans cette seconde édition de la Cup, s'ils veulent pourquoi pas aller faire quelques jours, passer quelques jours à Vegas, eh bien, il faudra passer par-dessus le corps de ces Orlando Magic qui sont aujourd'hui avec le même bilan que New York, mais avec un différentiel de plus 60. Les Knicks, un différentiel de plus 15. Donc voilà, ça ne pourra pas passer autrement que de s'imposer face aux Orlando Magic mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Ça va être un match attendu. Hein, forcément, parce que c'est l'équipe aussi en forme de ce début de saison. Ils ont Papa en le banquero. Je ne sais pas si son retour est prévu. Non, pas prévu. Pour en faire un parler, assez vite, hein, il avait plutôt cartonné avant sa blessure. Il avait sorti un match à 50 points. Et ce match se passera à New York, sur le parquet, tout en orange, enfin avec une dominance. Ouais, il fait mal. Hein. Très coloré. Ils sont tous très colorés. Hein. Ouais, le pire, je pense, c'est pas Minnesota là qui est avec un vert fluo là. Bon. Celui de Charlotte, ça va encore. Celui de Charlotte, je le trouvais pas mal. Je trouvais pas. Ouais, c'était du turquoise. Ouais, bon, ça passait, ça pouvait passer. Mais franchement, je les trouve moins pires que ceux de la saison dernière. Je les trouve, ça passe un peu mieux. D'accord. Bon. La petite skyline, voilà. Charlotte, il y avait les comment dire, les formes de ruche. Ouais. Les alvéoles. Cherchez. Bon, bref, 3 matchs au programme. Seb, tu nous parles un petit peu de la forme ou des méformes des uns des autres. Alors, bon, bah écoute, pour, bon, pour un petit coup. Pour Orlando, ça glisse tout seul. C'est simple, sur les 10 derniers matchs, ils sont en 9-1. Ils ont perdu que un match contre les Clippers. Et avant ça, le dernier match qu'il avait perdu, c'était le 7 novembre contre Indiana. Après, quand on fait un petit focus sur qui ils ont affronté, qui ils ont gagné, voilà, on a Brooklyn, on a Chicago, on a Charlotte, on a Détroit, on a Philadelphie avec l'air blessé, on a Indiana, on a à nouveau Charlotte, Washington. Bon. Peut-être un calendrier favorable. Quoi, mais ils ont su les gagner et ils ont su les gagner avec la manière là où nous n'avons pas su le faire pour certains matchs. Donc ça, c'est à mettre à leur crédit. C'est une équipe, en tout cas, là, avec un Wagner qui, à mode All-Star. Qui montre qu'il est digne de son gros contrat, de sa grosse expérience cet été. Quoi. Ouais, c'est le patron, hein, c'est le patron, clairement. Hein, c'est le patron, clairement. Surtout enfin, que c'est Franz, hein. Franz, hein, parce que Maurice, c'est bon, la seule chose. Ouais. Non, Franz Wagner, puis c'est un beau joueur en plus. Hein. Franz Wagner, c'est vraiment un beau joueur. Ouais, non, Banquero, pas tout de suite, pas de retour tout de suite. Donc, gros match contre Orlando. Hein. Gary Harris aussi sera out. Et donc, Paolo Banchero, ce sont les deux joueurs qui vont manquer important du côté de Roland. Jalen Suggs, il joue? Ouais, Jalen Suggs, il joue, tout le monde joue. Cole Anthony, tout ça. Ouais, Suggs, même contre Chicago, il y a trois matchs de ça, avait fini meilleur marqueur avec 31 points. Là, tu vois, ils sortent de deux victoires consécutives contre Brooklyn. Brooklyn, ils aiment bien leur mettre à Brooklyn des back-to-back. C'est bizarre, bref. Ensuite, donc, ben, on retrouve Charlotte, pardon. On retrouve Charlotte. Et là, par contre, pas la même mayonnaise. La Melo Ball de retour, Miles Bridges de retour, Nick Richards de retour. Alors, Grant Williams, on sait qu'il est out pour la saison. Voilà. Mais ils sont de retour. Après, cependant, même quand ils sont au complet, ils perdent des matchs. Oui. Là, tu vois, sur les 5 derniers matchs, ils sont sur un 0-5. Bon, voilà. Alors, la Melo Ball, il claque du panier, mais ça gagne pas. Ça gagne pas parce que. Après, moi, personnellement, je trouve qu'il y a un manque aussi un peu de QI là-dessous. Oh là là, tu vas pas nous dire qu'il est surcoté, le... Ah, moi, disons que dans certaines vidéos... Ball is a lie. Moi, je l'aurais mis, il est surcoté, la Melo Ball. Ça, c'est sûr que ça marque des paniers, mais bon, ça fait pas ça gagner des pumas, matchs. Ça vend des pumas, ça... Voilà, ça fait pas gagner des matchs. Enfin bref, après, c'est que mon avis, mais... Ça se trouve, on va voir ton pronostic aussi tout à l'heure. Peut-être qu'il va nous claquer un triple-double et qu'il va venir venger ses abeilles. Mais tu sais, regarde, la semaine dernière, j'avais dit que Charlotte, c'était l'équipe, tu vois, qui au complet... Qui était capable de perdre. Bah, ouais, on qui était pas capable, de, avec un gros truc offensif, de nous mettre dedans. Et c'est typiquement l'équipe qui peut nous battre, enfin moi tu vois tu me dis Charlotte a battu les Knicks, mais je dis mais d'accord, je comprends, parce que c'est une équipe au complet qui en effet est tellement fantasque que on a montré qu'on pouvait gagner contre n'importe qui et perdre contre n'importe qui. On est capable d'aller mettre un blowout 145 points. Je crois qu'il n'y a pas une équipe en ce moment en NBA qui a marqué plus dans la ligue en ce début de saison. Nous on le fait à Denver, mais derrière on va mettre à peine 99 à Charlotte, quoi. C'est ça. Il nous faut de l'adresse. Il nous faut un minimum d'adresse. 6 points de différentiel, waouh. Il nous faut un minimum d'adresse. Ouais, donc voilà, donc bon, eux, leur dernier match, voilà, sur les 5 derniers, ils ont perdu contre Milwaukee, ils ont perdu contre Orlando, ils ont perdu contre Miami, contre nous et contre Atlanta. Bon, Atlanta qui en même temps est la seule équipe qui bat facilement Cleveland sur deux matchs. Bon. Et donc, dernier match de la semaine, tu l'as dit, les Detroit Pistons. Alors, on a un Kate Cunningham qui, on ne sait pas s'il sera de retour ou pas. Possible qu'il soit de retour contre... Les a déjà affrontés, Detroit, je commence à en douter. Mais il me semble qu'on les a affrontés un peu plus tard la saison. On les a affrontés, on les a battus facilement, 128-98. Voilà, on les avait éclatés. Surprenante équipe de Détroit, tu l'as dit. Ils sont actuellement en course pour le play-in avec un bilan de 9-13, quasiment un bilan similaire à Indiana. Pourtant, c'est pas le même nombre de joueurs. Hein. On a quand même pas la même ambition, c'est pas le même projet. On a quand même un Tyrese Haliburton à l'intérieur, on a quand même un Pascal Siakam, un Miles Turner. On a quand même une équipe qui a fait finale de conférence. Et ils ont quasiment un bilan équilibré. Moi, quand j'ai Indiana et Détroit dans la même phrase, j'ai les images de la baston générale avec le faux O'Neill. Ron Artest. Avec le faux O'Neill et... Jermaine O'Neill. Stephen Jackson, bref. Bref. Malice avec de Pratis. Malice. Maintenant, on est à la César Palace. Ça n'a plus d'abord. César Arena. Et donc, Little eux, César sur leurs 5 derniers matchs, ils sont sur 2 victoires contre Toronto et contre Indiana. Et 3 défaites contre Orlando, décidément. Contre Memphis et contre Philadelphia. D'ailleurs, Philadelphia, c'est un peu relancé sur ce match, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, et au niveau des matchs des équipes, bon, Orlando va nous jouer directos, hein, évidemment. D'ailleurs, après, ils ont une double confrontation contre Philadelphie, donc à voir. Charlotte, eux, vont jouer d'abord Philadelphie et nous jouerons par la suite. Ils ne seront pas en back-to-back. Et d'ailleurs, ils jouent Philadelphie, New York et Cleveland, hein, les Power Hornets. Et. Ils ont ça même pour eux. Ouais. Et concernant Détroit, ils vont jouer Milwaukee, puis Boston en back-to-back. Oui. ils finissent avec New York. Wow. Détroit dure aussi. Semaine aussi. Ouais. On n'aimerait pas être à leur place. Ah ouais, la voilà. Semaine des Détroit, elle est poilue aussi, quoi. Waouh. Elle est. Tout le monde n'a pas un calendrier favorable en décembre. Les Knicks, ça commence plutôt bien. Et ben justement, profitons de ce calendrier favorable. Dans ce calendrier, il y a deux questions. Enfin, il y a deux questions. Il y aura le pronostic, mais je vais prendre la main sur le pronostic parce que j'avais. Les Knicks ont gagné. Ben ouais, ça arrive. Et pour une fois que je donne pas un 4-0. T'as vu? Tu m'arrêtes de donner un 4-0. Alors, est-ce que j'aurai encore un pronostic vainqueur? On va voir. On va voir si j'ai du nez ou pas. Mais cette semaine, c'est la question que je te pose comme souvent, quel est le match à ne surtout pas manquer? Le C. La réponse, elle est un peu facile. C'est effectivement les Detroit Pistons. Non. C'est le Magic. C'est le Magic. C'est le match test. C'est clairement le match test. À voir ce que notre équipe va donner. Alors oui, il manque Paolo Banchero, mais on est dans une, on va affronter une équipe qui est en ultra confiance en elle, qui enchaîne les victoires, qui est dans le trio tête de, qui a commencé même à faire un petit trou avec nous, hein, avec le quatrième à la tête de la conférence Est. Voilà, on a une équipe qui clairement est en forme, en méga forme. Ouais. Et ben voilà. Allez, c'est là si tu veux passer un message, et ben t'arrêtes la série et tu les bats et tu montres que ben, les Knicks au Garden en voilà, plus quoi. Sont de retour. Exactement. Ouais. Non, effectivement, c'est le match qu'on attend, c'est accessoirement le dernier match de la coupe qui va être qualificatif. Si par mégarde Orlando perd, peut-être que eux auront la possibilité de décrocher la wild card parce qu'ils ont quand même un beau différentiel, plus 60 aujourd'hui. Donc voilà, s'ils perdent 10 points, ils arrivent à plus 50. Voilà, ils auraient de quoi candidater pour continuer l'aventure dans la coupe. Donc pour eux, il y a entre guillemets un filet de sécurité, une autre possibilité pour aller poursuivre l'aventure. Mais voilà, pour New York, un, il faut prendre des victoires. Deux, c'est un candidat, un concurrent direct dans la conférence Est. Ah oui. 2-3, la saison dernière, le Magic, ça réussissait pas tellement à New York. Ça fait quelques temps. Là, maintenant, avec un jeu un peu plus offensif, est-ce qu'on aura de quoi les contrarier? Voilà, Karl Anthony Towns, comment il va rayonner face à cette équipe du Magic? Ça va être intéressant à voir. Forcément, c'est le match qu'on ne veut pas louper cette semaine. Ça tombe bien, il va arriver assez vite. Bien sûr, Charlotte. Il y aura du candidat, parce qu'ils ont du. On va regarder, mais. Ils ont du Jonathan Isaac dans la. Je veux dire, défenseur. Ils ont du Bitadze, tu l'as dit. Ils ont du Suggs. Bon, ils ont du Suggs à envoyer sur. À un moment donné, j'ai envie de te dire que si on construit une équipe pour défier Boston, il faut que cette équipe elle soit aussi en capacité de se défaire de Orlando. Pas, c'est qu'elle a des. Alors oui, il manque Banchero, mais attention, ils ont le aussi reste n'est pas des arguments pour embêter les Knicks sur pas mal d'aspects, quoi. Et une équipe qui a fait une belle saison la saison dernière, donc voilà, c'est une équipe qu'il faut d'autant plus respecter. Et je pense que les Knicks le savent au regard de ce calendrier. Ils sont revenus à la maison. Voilà, il n'y aura pas de. On prend les joueurs à la légère, l'équipe et l'adversaire à la légère. Ce match-là, il faudra mettre les bons ingrédients d'entrée de jeu. Il faudra compter sur le Garden aussi pour pousser. Voilà, le faux pas serait vraiment de mauvais goût et puis signerait une fin dans la coupe. La coupe, ce n'est pas l'objectif premier. Mais ceci dit, ça peut aussi instaurer une dynamique. Ça peut donner aussi des matchs avec un peu plus d'enjeux. Et c'est justement l'intérêt de cette coupe. Et j'espère que les Knicks sauront répondre présents dans ce rendez-vous. Bon, je suis le tenant du titre des pronostics depuis la semaine dernière. Avec mon 3-1, je vais me lancer et je vais faire très très simple. Ça va être un 3-0 pour moi cette semaine. Oh. On l'a dit, le mois de décembre, faut emmagasiner de la confiance, des victoires. Charlotte et Détroit, ça doit être une victoire sans contestation. Le doute qui peut y rester, c'est sur Orlando. Mais là aussi, il y a un double enjeu. Donc les Knicks doivent se montrer concentrés. Ils ont repris leur habitude au Madison Square Garden face à des Pelicans, qui était un parfait sparring partner. Ça sera bien sûr une toute autre mayonnaise avec le Magic. Hein, mais voilà, ça va être le match test où on en est en ce début de saison. Est-ce que finalement, on va perdre contre Boston, Cleveland et Orlando, les trois équipes qui sont devant nous au classement, et auquel cas ça confirmera qu'en quatrième position de cette conférence Est, les Knicks sont à leur place, ou est-ce qu'au contraire, on va montrer qu'il y a quand même une amélioration, qu'il y a un jeu qui, malgré les défauts défensifs, est en capacité de rivaliser avec des grosses équipes, On l'a fait face à Denver, pourquoi ne pas le faire à la maison face au Magic? En tout cas, c'est mon attente et j'espère que les joueurs ne vont pas nous décevoir sur ce match dans lequel on fonde beaucoup, beaucoup d'attentes. Donc 3-0 pour moi, les deux autres, voilà, Charlotte, faut pas refaire sous le match qu'on a fait là-bas. Et contre Détroit, méfiance, concentration, sérieux, mais ça doit passer quand même. Donc 3-0 pour moi. Et toi, Seb, qu'est-ce que tu vois cette semaine? De cette équipe d'Orlando me fait quand même peur hein, quand tu vois Eh oui, bah je leur comprends. profondeur, quand tu vois leur profondeur de banc, quand tu vois leur 5 avec ils ont, tu vois, on n'a même pas parlé, ils ont du Kendavius Caldwell-Pope, ils ont du Wendell Carter Jr., ils ont du Cole Anthony qui sort du banc, hein, tu vois, c'est quand même embêtant. Et puis c'est Ça vrai court après que Chousse, nous, je sais pas. non non ouais. Écoute, moi je sais, moi je suis, en... j'ai besoin de plus pour m'enthousiasmer vis-à-vis de ces Knicks, parce qu'en effet, ils soufflent le chaud et le froid. On arrive à humilier Denver chez eux, mais et on arrive à se faire ultra peur contre Charlotte qui est décimée par les blessures. On arrive à gagner contre de bonnes équipes et à perdre contre des moins bonnes. Là, il y a cet double enjeu de la Cup. Écoute, tu sais quoi? Oh. Et je, malheureusement, je, Ah. j'ai des, je, mal, malheureusement, moi je ne suis pas sur un 3, un 3-0. Moi je suis sur un 1-2. Comment ça? Un 2-1 ou un 1-2? Un 2, une victoire contre Détroit et on perd le Oh. Magic et on perd contre Charlotte. Oh là là là là. Moi, Effectivement, Charlotte au complet, il y a chaud et froid. Moi, je suis chaud, toi, t'es froid. même si tu vois, Ok. je mets dans la catégorie un peu des surcotés la Melo Ball, Ouais, il a quand même ce côté, tu vois, qui peut faire déboulonner parce que bah, il prend feu et puis machin. Ils ont une équipe qui peut être embêtante et quand on l'a vu, bah, il leur manquait quatre starters et ont poussé dans nos retranchements. Et puis le Magic va vouloir aussi marquer son territoire de la conférence Aussi. et va vouloir marquer les esprits. Là, ils vont affronter des Knicks. Alors, voilà, autant ton scénario de 3-0, il est ultra possible Merci. parce que si on a des Knicks version Denver ou version Pels, et ben normalement ces équipes-là doivent pas nous faire peur et notamment plus à la maison on doit les gagner et notamment les deux derniers matchs on doit leur rouler dessus. Mais si on a des Knicks version ben justement Charlotte, version Utah, version Chicago, version Atlanta, version Indiana, Eh ben on peut perdre, et ben malheureusement on sait pas en fait. Moi je ne sais pas encore sur quel pied danser avec cette équipe. Et là, on affronte des équipes. Alors, Détroit, je pense qu'on les gagne. Mais après, les deux autres matchs, pour moi, ce sont des matchs pièges. Et je me montre moins enthousiaste. Ok, eh bien écoute, et c'est un pronostic totalement différent du mien. Heureusement qu'il nous a pas dit trois défaites, mais voilà, c'est un scénario aussi possible, aussi probable. Affaire à suivre, on verra. Dites-nous en commentaire quel pronostic vous voyez pour cette semaine. Mais je croise les doigts pour que tu commences à nouveau à pronostiquer la semaine prochaine. Ouais, bah écoute, si je donne toujours les bons résultats, à un moment je mettrai de l'argent aussi sur mes pronostics, mais pour l'instant non, je préfère juste les faire gracieusement sur l'émission. Mais voilà, l'équipe, comme on l'a dit, elle se repose beaucoup sur ses fondamentaux d'attaque, sur son adresse. L'adresse, ça va, ça vient, il y a des soirs. Tout nous réussit, il y a des soirs rien nous réussit. À voir. Si on avait non seulement ces fondamentaux défensifs qui nous permettent de nous On dire, aurait plus bon, de même dans des certitude. soirs, voilà, Ouais. on aurait plus de certitude. On se dirait, ça doit passer. Et tu m'aurais dit peut-être un 2-1. Maintenant, tu nous as dit un 2. Deux défaites, une victoire. Bon, ok. Je note, je note. Et je note aussi que tu es fan de LaMelo Ball et que tu nous annonces son triple-double au Madison Square Garden. Oh là là là là. Bon, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? En tout cas, ce qu'il faut pas entendre. Il faudra en parler, il faudra l'entendre et en parler. C'est demain, vous le savez, on prolonge le rendez-vous. Le lundi, on est là, à deux, en train de vous parler de nos appréciations, de nos ressentis, des quelques news qui nous ont fait réagir dans la semaine, des matchs. Mais le mardi soir, de 19h à 20h, sur X, X. anciennement Twitter, vous le savez, le petit oiseau bleu là, eh bien nous avons rendez-vous avec Chapi qui va nous animer un nouvel épisode, l'épisode 8. La semaine dernière c'était l'épisode 7. Très bah, sympa, ouais. Venez-y, il y a une bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est bienveillant, y a, voilà. Et on apprend des choses, voilà. Y a des petits quiz et tout, et on discute tout simplement entre amoureux, passionnés du basket. On a tous nos avis, on n'est pas experts, mais on est passionnés, et c'est ça qui nous réunit et qui nous permet de prolonger les rendez-vous et de partager cette passion, comme on l'a fait sur des viewing parties, voilà, comme on l'a fait sur des voyages, comme on l'a fait. On est en majorité supporters des Knicks sur ce. Ouais, space, mais il y a. Donc voilà. Faut pas hésiter à participer à, comme on le dit là-bas, monter. Voilà, monter dans la tribune pour pouvoir parler. On défend votre point de vue. Si vous entendez quelque chose qui, d'un coup, vous irrisse le poil, de dire attends. Vous demandez la parole, Chapi vous la attends, donne. Attends, Seb, tu dis des trucs sur Jericho Sims, je suis pas d'accord. Voilà, ou même moi, je dis des bêtises. Hein. Clairement, voilà, on n'a pas la science infuse. Dans le basket, de toute façon, ça n'existe pas. Dans le sport, en général, ça n'existe pas. Sinon, ça serait très facile. Et puis, on n'a pas la prétention de l'avoir non plus. Hein. Sinon, ça serait très facile. On aurait tout simplement un back-to-back de Boston. Mais non, moi, je vous le dis, cette année, il n'y a pas de back-to-back. La preuve, les Lakers sont éliminés de la Cup. Ils ne pourront pas défendre leur titre. Donc ça, moi, pour moi, c'est un signe prémonitoire. Il n'y a pas de back-to-back. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, puis on en reparle au mois de juin. Quoi. Voilà, dans la Melo Ball, on lèvera le trophée, le Larry O'Brien. La surprise, quoi. La surprise avec Jericho Sims en pivot titulaire, parce qu'il y aura eu un trade contre Nick Richards. Quoi. Bref, on est prêt à discuter de tout ça ensemble demain, mardi. Voilà, 19h, 20h. Des fois, on déborde un petit peu parce que voilà, la passion et puis la bonne ambiance fait qu'on joue les prolongations. Mais voilà, c'est là où on vous attend demain pour l'épisode 8, l'épisode 7. On parlait d'un certain Carmelo Anthony. L'épisode 8, de qui on va parler? D'autres joueurs. D'autres joueurs, ça c'est sûr. Allez, sur ce, voisin du dessous, numéro je 8, dis à demain. Numéro 8 célèbre, la presse Freewell. Il y en a un paquet. Mais oui, il y a deux qui ont la tête. La pelle, bien sûr. Danilo Gallinari, OG Anunoby, tout ça. Bon, la presse Freewell. Nous en met des. Moi, je... Nous en claque des beaux. Oui, bien sûr. Mais bon, celui qui pourrait s'inquiéter quand même dans l'histoire, chez les numéros 8, quand tu penses au 8, tu penses à la presse Freewell. Ouais, tu dis ça parce que tu portais les tresses avant. Bon, bref. tout cela ne nous regarde pas. On vous lancera les dossiers beaucoup plus tard. Voisin du dessous, bonne semaine à toi. On se retrouve demain en vocal uniquement. Soit et on est heureux, soit c'est le bout de la déprime si c'est mon pronom. Moi, j'espère, je vous souhaite tous du bonheur. Voilà. Bonne semaine à toutes et à tous. Rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 106. Voilà, pas facile à dire. 106 de Avenix Week. Et d'ici là, let's go Knicks. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao.